اللي راح ولا قل وش من بنا خلا قلبه متهنى في حياته ندم وحزين. اللي ما يحترمناش ما نحترموش هكذا، واللي ما يحبناش واللي ما يقدرناش واللي ما يتبعناش واللي يتيري علينا واللي يحقرنا ونعلبوا اللي ما يحبناش. باب الواد كينغستون حلا كي الزيتون تبان من بعيد بلا قيطون. سبيسيال ديكاسا تولي كونترابانديي كي سون دون لا بلاص. الو الو، السلام عليكم يا اهل سلام حشيشه الا باري. راكو تسمعوا لراديو حشيشة وجيت ندير كوم دابيتود كوم شاك سامدي سوار ا 20 اور دالجي عندنا ليميسيون تاعنا ابيتويل مع لي زوديتور لايف افيك لي زوديتور. دونك سا ديمار مينتنون il est 20h 21h à Paris. مرحبا بكم. Je voulais juste vous dire j'espère que vous passez d'agréables moments sur Radio Chicha. J'espère que la technique elle marche bien, que les techniciens ils ont bien travaillé, que le son est un peu potable. Il n'est pas beau le son, mais j'espère qu'il est juste potable. Et donc voilà, Khaouti, c'est le démarrage de l'émission. Ça va durer 2 heures. Tant pis pour ceux qui aiment le foot. Ils vont aller regarder le match parce que le match il a déjà commencé depuis 10 minutes. Le match, la Coupe d'Europe, ou la Coupe du Monde, ou là, on a raté le foot. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon, chacun son truc. Sinon, donc ça se passe comme ça sur Radio Chicha Khaouti. Marhaba bikoum. Vous pouvez nous appeler sur Chicha DZ sur Skype. Vous cherchez Chicha DZ sur Skype pour participer à notre émission. Ça va durer 2 heures. Je vais vous laisser écouter une petite musique. Une petite musique, je reviens vous annoncer vite fait les sujets que moi je vous propose en fait, mais vous pouvez appeler en fait pour participer sur le sujet que vous voulez à partir du moment où il est lié à l'Algérie, à la situation politique, la situation économique. Et voilà, à tout de suite, je vous laisse écouter MBS et je reviens dans 2 secondes. Ceux qui ont disparu sans jamais avoir connu la joie. Dans l'ordre de ce bar, mais j'parle, où est-ce que ça va le faire? J'ai un peu de mat, mais à 20 عقاتيل. شحال ديت من قليل كل يوم حكايه وحده يتبدو غير البلايص غير اللي نمرو كل شرا دارو زرده بعقلهم وحده وحده الواحد يكره عمرو تزعو علينا يا مات نجرى ننقعك حوله كلش بلادي طاي تقرا دخلات زبوله حتى نولي تكرتهم ورابح ولا بومبير رانا في لاكابيتال محل هاد الشي يصير ما عندناش كيما هما نديرو فوق رسالنا وقدام باب الدار ديجا كاين كاسيرنا صغار يطيحو كي الخرفان كل ما نقراو ترنا نعرق ظهرنا نقول الله يسترنا وهما سطرهم التراب وليسلك كل شي عليه غاب الله يرحم دراري ويصبرهم على الحباب جمع غبالة فاغتي أخوي نصان أخوي نصان أخوي نصان يا باسي لوتان جمع غبالة شفتو كيطاب خويا خبطو في الصوت غدوة من داك بكيت ربع قبور في عمر 11 وحكايتو ما تأمنهاش مرمي في وسط الموتى سابغ روحو بالدم حكم دموعو للصبح وهو على بالو باللي تيتهم وكاين وكاين نهضر ولا نسكت انا يا خاين خاين اللي يسمع يكرز وهو واش نقول عليه كيفا حبيتو يفرز بالملاحة والقباحة كيفا حبيتو يلعب وينسى كل شي في الساحة جالي سوفنير تاع اونسيا مجاهد شافيك اليوم على وليد الحوش اللي جاي فيه يجاهد واذا غبت طلاطات يقراها في 200 شاهد قاعد في بلاصتو جابت روحو عدراري يشبع على يما حفادو يخرج قاري ان شاء الله في لينوسونس في جيون نوار اي بلون بو دو باكي انسي je me rappelle avoir été allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Ah non. Donc voilà, il y avait eu un appel, je suis désolé, ça a été coupé. Si la personne peut nous rappeler, Marbabi. Donc nous sommes sur Radio Chicha, c'est pour une émission live avec les auditeurs. Comme chaque samedi à 20h, on parle en fait de sujets plus ou moins algériens, plus ou moins d'actualité, plus ou moins liés donc aux événements, à la situation politique, situation sociale. Et l'antenne est ouverte à tout le monde via Skype. Vous pouvez nous appeler sur Skype. Il suffit de chercher Chicha DZ. Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Marhaba bik, khouya. Oui, bonsoir Samir, bonsoir. Bah, je voulais juste savoir si vous êtes déjà en ligne, s'il y a du monde, parce que là j'ai fait ça comme ça par hasard. Si, nous sommes en ligne et en direct, et on passe en direct. Ouais. Bon, bah, très bien, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont commencé déjà à s'exprimer, ou est-ce qu'on peut s'exprimer directement. Non, tu peux, Khoya, Marhababik, on vient de commencer effectivement, donc tu peux t'exprimer à ta guise. Bon, bah, très bien, donc c'est chez Fakdash hein, qui est avec vous. Hein, exact, Marhababik. Aïchik Barakallahou Fik. Moi, j'avais juste deux questions essentielles à exposer, en fait. Mm-hmm. Et ce sont deux questions qui font partie de celles que vous avez exposées aussi sur Facebook en présentant cette émission, en fait, mm-hmm. ce soir. Mm-hmm. La première, elle concerne le président de la République. Du fait du manque d'informations aux Algériens et qui représente symboliquement quelque chose de très important que moi, personnellement, en tant qu'Algérien, j'ai perçu comme... comme en fait quelque chose qu'on nous a accaparé, notre symbole de présidence, même si, entre guillemets, ce président, les Algériens, ne pensent pas du tout que c'est le leur. Par contre, on nous a montré, et on est en train de nous démontrer, que le pouvoir algérien n'appartient pas aux Algériens, puisqu'il est accaparé dans un pays étranger, et on prive les Algériens en leur disant que cette présidence ne leur appartient pas. Ça veut dire que l'Algérie n'est pas dans les mains des Algériens, puisque le pouvoir suprême, qui est censé appartenir aux Algériens, est entre des mains obscures, on va dire presque, on va dire, je sais pas, invisibles, qui ne donnent même pas les informations à ce qui est censé appartenir aux Algériens. Mmh. Ça, c'est la première question, et c'est comme ça que moi, en tant qu'Algérien, je le perçois. Mmh. Et même les services, un DRS est contraire, et en général, même eux, ils s'en sont privés. Aujourd'hui, on leur montre qu'il y a une force au-dessus même des services de sécurité algérienne qui, eux-mêmes, ne donnent pas, non pas l'information, ou ils l'ont, mais ils ne la donnent pas aux Algériens. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir au-dessus, non seulement de la présidence, du peuple algérien et des services aussi, puisque le président est accaparé à l'étranger et on prive les Algériens des informations de sa santé, etc. Mmh. Ça, c'est la première question. Mmh. La deuxième question, et je vais faire très vite pour ne pas accaparer la parole, c'est le reportage sur France 3, mmh. qui est aussi un message important pour nous Algériens. Ça veut dire que, pour moi, c'est une machine à laver, ce reportage. Il vient encore renforcer la thèse du DRS, le blanchissement des crimes qui ont été commis sur les Algériens des années 90, et notamment aussi, entre autres, les moines de Tibéri. Ce reportage superficiel qui a négligé tous les exilés algériens, anciens militaires, anciens des services, d'autres qui étaient victimes, il les a tous négligés qui sont à l'extérieur, et est parti chercher l'information chez des repentis, entre guillemets, ou des membres du DRS, je ne sais pas, ça on ne le sait pas tous. Hein. En tout cas, c'est bizarre quand même que des gens et des journalistes de France 3 aillent en Algérie chercher l'information chez des gens qui sont sous dictature, qui n'ont pas la liberté d'expression ou bien qui sont manipulés par le régime algérien. On s'étonne vraiment de ces supercheries qui viennent nous dire qu'on va chercher la vérité sous dictature. Alors qu'il y a des exilés, des anciens militaires, qui ont l'information, qui ont écrit, qui ont parlé, et cette journaliste n'a pas été les chercher pour présenter la réalité. Cela aussi représente un double sens et un double message des services algériens qui nous rappellent encore une fois que les médias, notamment du monde libre et ceux de la France, sont prêts à refaire la même supercherie que dans les années 90 où on s'est servi de Bernard-Henri Lévy, etc., pour appuyer la thèse du régime et cacher la vérité monstrueuse envers le peuple algérien, envers les moines de Tébérine, en fait, etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup de cette plateforme qui nous permet d'exprimer et elle est à encourager. C'est très gentil. C'est gentil. Merci beaucoup à toi pour l'intervention. C'est très clair d'ailleurs. Merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. Merci, Daesh. Allo, allo, salam alaikum. Allo, Azoul Asamir, salam alaikum. Marhaba bik, sahit l'aslamenik. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, merci beaucoup pour l'appel. Ben là, nous sommes en direct, je t'écoute, on t'écoute, hein, ça passe. Pas de blamzia, bon. J'ai participé à la première émission et puis... Tout à fait. Première émission et puis les émissions des semaines plus tard, j'ai essayé de... Ok, parfait. Donc j'ai bien voulu participer aux émissions qui sont venues plus tard après la première émission. Bon, j'ai eu l'occasion de participer à la première émission, mais j'ai pas eu de temps. À chaque fois, bon, j'ai écouté les premières minutes, mais à chaque fois que je tente d'appeler, il y a quelqu'un qui m'appelle au téléphone, il a besoin de moi, donc je sors. Ouais, pas de problème, y a pas de problème. Quand c'est possible, marhaba bik. Ok, merci. Sinon, qu'est-ce que tu penses des sujets qui ont été introduits ou là, si tu as un sujet toi-même? Ce que j'allais te poser comme question, parce que j'étais pas là, je viens de rentrer, donc je ne sais pas c'est quel sujet que tu traites aujourd'hui. Vite fait, moi j'avais proposé, toujours à propos de l'Algérie, le sujet de la maladie de Bouteflika. Qu'est-ce que les gens ils en pensent en fait, et j'avais parlé aussi peut-être de les chômeurs algériens qui sont organisés en comité et tout, ils se sont fait tabasser ces derniers temps par la police, ils ont envoyé aussi des baltagia et tout, ils les ont agressés, je sais pas ce que les gens y pensent. J'avais introduit ça, et puis le dernier sujet que j'avais introduit c'est l'assassinat des moines de Tibhirine, si tu as un avis sur ça. Ok. Donc par rapport à la maladie du président, donc je pense que vous avez déjà abordé ça pendant la deuxième émission. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pas pu participer. Donc par rapport à la maladie du président, donc c'est vrai, c'est scandaleux le manque d'informations et tout. Mais pour moi, ça reste mon avis personnel. Donc qu'on soit au courant, c'est-à-dire qu'il soit en Algérie, qu'il soit pas en Algérie, pour moi ça change rien. Pour moi ça change rien. Qu'il soit en Algérie, aux États-Unis, au Japon, ça change rien pour moi. Parce qu'il a déjà été là-bas en Algérie pendant 14 ans, je ne sais pas, 14 ans. Qu'est-ce que ça a changé? Ça change rien. Sinon le manque d'information, bien sûr que c'est scandaleux. Les gens comme ça, il y a un président qui est malade, je ne sais pas où. Le peuple, il ne sait pas où il est, il ne sait pas où il se soigne, il ne sait pas où il se repose. Ça, c'est vraiment scandaleux. Bon, par rapport aux mouvements sociaux des chômeurs dans le sud qui ont été tabassés, bon, je lis quotidiennement des informations par rapport à ça, des journaux, des quotidiens algériens. Bon, c'est vraiment scandaleux, mais c'est pas nouveau, ça. Depuis 62 qu'on nous tabasse. Bon, ce que j'ai dénoncé, c'est le silence. Le silence, le mot, la société civile ne bouge pas. Donc, il n'y a pas d'union. Les gens, ils sont dans le pas, il n'y a pas d'union. Ça, je le dénonce vraiment. Il n'y a pas aussi l'élite algérienne, elle est complètement absente. Les partis politiques, ils sont complètement absents. Ça aussi, c'est vraiment scandaleux. C'est un constat, je pense que c'est un constat qu'on partage, on est très nombreux à le dire, mais bon, quand ils bougent quand même certains, on a vu comment finalement ils sont en train de les tabasser et tout. Hier à Ain Baïda, le comité des chômeurs, ils ont été agressés par des baltagia, il y a des voitures qui les ont suivis, il y a des voitures qui les ont même bousculés, ça a filmé la voiture Hadik. Ils ont essayé de bousculer la voiture Tatar Blabes, et du coup voilà, c'est-à-dire quand les gens ils essaient de bouger, ils les tabassent. Oui, c'est pour ça qu'il y a pas d'union, il y a personne qui ouvre sa gueule, il y a des gens, je sais pas, 3 personnes, 4 personnes, 100 personnes qui sont tabassées, il y a personne qui parle, il y a personne, c'est normal. Ça. Mais s'il y avait l'union, ça serait pas la même chose. Ça serait autre chose. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'appelle tout le monde, j'appelle tout le peuple algérien qu'ils s'unissent, qu'on soit tous ensemble et puis... La solidarité. J'appelle à l'union, à la solidarité, voilà, c'est ça. Très très bien. Ben, le message, ton message est très clair, Atexah Athamourth. Merci pour l'appel et puis tu peux rappeler quand tu veux, il n'y a aucun problème, Rahbabik. D'accord. Moi, je te souhaite encore une fois bonne continuation pour merci cette beaucoup. Initiative. Merci beaucoup à Texaha et Mazel, ça continue. Ok, allez. À la prochaine, Inch'Allah. Donc voilà, merci beaucoup pour l'appel, chers amis. Ça se passe sur Skype. Il faut appeler Chicha DZ pour participer. Vous avez vu, il y a des sujets. On a notre ami Halim qui essaye de passer. Allô, allô. Allô. Allô, allô. Marhaba bik, Halim. Salam alaikum. Marhaba bika. Ça va, alhamdoulilah. Merci beaucoup pour l'appel. Nous sommes en direct là. C'est gentil d'avoir appelé. Tu as quelques informations à partager avec nous, ou un point de vue sur les sujets qu'on a introduits. Bon, les informations concernant ce qui s'est passé à Moulbouaghi. Bon, le Jemaa ta Rabi El Abbas, ta le Sud, ta Rachid Aouine. Bon, ils sont en train de faire un très bon travail. انا صراحه انا ما عجبني صادير لا فاصون دو طراباي تاعهم لي صادير يسون ديسيبليني و مي اكطويلمون صادير لا كيسيون كون دووا سو بوزي اكطويلمون كيل اي لا ريفونديكاسيون اسونسييل دو سي موفمون دو كونتيستاسيون دونك راك معايا سي سامي جو تونتون تري بيان داكور دونك حنا تكلمنا صديق تكلمنا مع الجماعه قال فهموا البطالين باللي لي سوليوشن تاع لو بوفوار اكطويلمون سي دي سوليوشن سي بور صديق سي بور غاني دو طون اي بلو طار يعاودوا يرجعوا غير صديق سو سيستيم اللي اون طران دو غاني دو طون ça, tous les mouvements de contestation, ils essaient de corrompre tout le monde, même la population. La dernière fois. Donc, si de m'qabel t'kellem à l'unité, c'est vrai, hein, c'est le Jemaa Kounjo, c'est-à-dire s'il y avait c'est-à-dire un nombre important de manifestants, les Baltadji, les voyous, ils ne peuvent pas se permettre c'est-à-dire ce genre de choses. D'accord, ouais. Et cela, ça prouve que la société algérienne a changé. C'est-à-dire le système actuel, goutlek belli le système هذا le pouvoir هذا اللي هذا تاع من les années 2000 تاع Bouteflika هذا c'est le pouvoir le plus dangereux اللي عرفه toute Zaire. C'est-à-dire c'est un système qui a essayé de corrompre tout le monde. قتل المدرسة. Enfin, les lieux de culte, le masjid, ma khallaw hatta blasa. Donc on arrive à ça dire Baltadji, il y avait pas bkri hna nahsou fi les années 80, le système il est pourri, tout le monde était pour, hein. Il y avait pas de Baltadji, ça yhchem insan bach ykon Baltadji. Mais actuellement, ça dire ça se fait, c'est normal, c'est tout à fait normal. Parce que le pouvoir هذا ça هذا c'est des voyous رام حاكمين tout un peuple حاكمين tout un pays حاكمين en otage le سعد تكلمتوا على le droit d'information ça dire concernant la santé du président l'Algérie ماهيش دولة بمفهوم الدولة صدير الدولة عندها أجهزة عندها دي ديسبوزيتيف عندها une administration وعندها دي tradition صدير quand le président il est malade il y a un communiqué إحنا هنا يا في les réflexions théoriques j'ai toujours dit c'est un pouvoir centraliste صدير qui a centralisé tous les pouvoirs de décision il est centralisé à outrance معناتها بلكين une dizaine de personnes c'est eux qui font la destinée de ces pays. Et ce qui est grave, c'est-à-dire Bon, c'est la centralisation de pouvoir de décision, c'est un frein pour le développement, pour la politique, pour les libertés, tout ce qui s'en suit. Parce que les cadres de 10, ils sont la chab kamel. Donc, le anagouch Damon Ngoul, le mouvement syndical, il n'est pas reconnu en Algérie, c'est-à-dire c'est-à-dire les organisations syndicales, اللي ينشطوا ضد النظام هذايا. جامري بيان كو كو سي جون لا il comme je le fais en ailleurs, il puise sur les carences de la réglementation pour que le travailleur comprend بلي les droits تاعو ils sont c'est-à-dire les حقوق تاعو راهي رايحه. Ou il faut qu'il comprend que tous les textes subséquents, tous les textes religieux, ils sont en contradiction ou, ils n'ont, ou bien ils n'ont aucun fondement constitutionnel. C'est-à-dire, quitte à la loi 90-14, elle n'est pas constitutionnelle parce que la constitution parle de la pluralité syndicale ou même Houma, il parle de la pluralité syndicale, mais en réalité, il n'y a pas de pluralité syndicale. Les droits socio-économiques, la constitution, mais ça, il n'y a aucune, c'est-à-dire les droits socio-économiques, réellement, ça n'existe pas. Le mouvement, ils ne savent pas, c'est-à-dire il faut que les gens, il faut commencer par le travail de sensibilisation. Il faut le faire. C'est-à-dire, il faut que les gens soient vraiment convaincus, Il se pose quand même, pardon, excuse-moi, il se pose quand même le problème, comme pour justement sur ce point-là de la mobilisation, c'est comment contacter les gens. C'est-à-dire, par exemple, les moyens de communication sont coupés, Internet il est minimal, et il y a à peine peut-être une chaîne de télé maghrébien, et encore, on lui fait porter un peu. Le poids c'est-à-dire Maghrébien, on l'accuse des choses, on la diabolise et tout. Du coup, comment on peut mobiliser les gens? Comment on peut les toucher? Bekri, il n'y avait pas ça, les années 80, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ces moyens. Il n'y avait pas de chaîne, il n'y avait pas le Maghrébien, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas ça. Il faut qu'on... La société civile, il faut qu'on se remet en cause, c'est-à-dire la bataille, elle se passe en Algérie, c'est-à-dire il faut travailler là, il faut créer les réseaux. On dit qu'il n'y a pas de volonté pour créer ces réseaux. La centralisation. C'est-à-dire, tu veux dire par là qu'il y a même un dysfonctionnement ou un mauvais fonctionnement des organisations déjà en place, c'est ça, les organisations syndicales et tout. Elles ne font pas bien leur travail. Je lance un appel. Il faut dire aïtol nas. Ntouma yrouhou l'nas, yrouhou yjibou l'nas. Hna, fait l'association anti-corruption. Moi, je suis en train de. Personnellement, toute personne qui a dénoncé, au niveau de la communauté, qui a été dénoncée, qui a été dénoncée, sans aucun. On ne peut pas faire l'association. Il n'y a aucun problème. Il faut que les gens soient là. Il faut que les gens soient là. C'est-à-dire, il faut que les gens soient là. Notre autocritique, subhanallah. Pourquoi ça ne marche pas? Et nous avons le droit. Les syndicats. Il a tous les ingrédients de son l'anéantisme تاعو النظام هذا يعدو روحو mais mazal waqf mais حنا on a pas su travailler ما ناش نعرفو نخدمو. Il faut le dire en toute franchise. Mais il y a aussi toutes les contraintes qui pèsent sur les gens. Tu en as vu comment les gens se font contrôler, ils se font harceler juridiquement, ils sont embarqués dans des commissariats et tout, ce qui représente de lourdes intimidations en fait. Ça fait partie du militantisme. On a payé le prix. وسي ان اوتر اونور بالعكس الحمد لله يا ربي اللي رانا في الطريق صحيح وماناش مع ماناش مع صح صح كاينه هذه دونك صراحه الناس دير لو سي تان ابل جو ديري ميم ان ابل على ريزون يا جماعه يا دي علاش كل راه يتكلم بلي دي كونتيستاسيون بارتو بوكو اون كوردون با علاش ما انا احنا في لا مسيو بوراح لا لي دو بومر داس عيطت له رحت ليه وجبت الدوسي تاعو رانا الاخر ونا نسقوا معاه رشيد عوين جو دي كونتاكت معاه وما ورانا في اتصالات معاه صادير تولي دينونسياتور رحت ليهم انا رحت ليهم وبلا اي مشكل سون اوكان بروبليم En fait, il faut une politique volontariste, c'est-à-dire les menaces, c'est-à-dire que je suis là, il faut pousser un peu le bouchon plus loin. Je trouve le harcèlement, c'est Samir, il est normal. C'est-à-dire, on n'a pas à discuter. C'est-à-dire, le système, il est pourri, il est ce qu'il est. C'est normal, il y va de sa survie, il va être battu, il est riche, ou il va la payer très cher qu'il tait, ou ils savent ça, Huma. C'est tout à fait normal. انا جيمري بيان كو لي جون يهضروا على لو موفمون اسوسياتيف لا سوسيتي سيفيل بوركو سادير بوركو بون ماناش نقلو مشان تاعهم على كل حال نقول لك مو انكلويا سادير انا رانا معاهم انا جو مكونسيدر معاهم هذه وكونسيرنون لو مالادي دو بريزيدون لالجيري سو ني با ان بي Je l'ai expliqué tout à l'heure. Nous n'avons pas de douleur, nous n'avons pas de douleur, nous n'avons pas de douleur, nous n'avons pas de douleur. J'ai eu des achats, des gens dans l'otage, des gens dans D'ailleurs, un vol de grâce, un hôpital militaire, un président de la République, un hôpital militaire, un hôpital militaire, un hôpital militaire, les déclarations, ils ont des chanteurs, ils ont des gens qui Donc ça résume le malheur algérien. Le malheur algérien. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu penses que, par exemple, c'est-à-dire là actuellement, il y a puisque Bouteflika il est malade et que se pose la question de son remplacement, quatrième mandat, pas quatrième mandat, est-ce qu'il va y avoir des élections anticipées ou pas, puis il y a des candidats, comme tu as vu, il y a déjà des candidats déclarés, y compris se positionnant selon leur discours comme opposant. Je pense à des gens comme chez Ben Bitour, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses, c'est-à-dire, les élections, et puis même avant, en principe, on devrait même peut-être modifier la constitution. Tu en penses quoi, de ce contexte? القضيه تاع لو كاتريام موندا بون حنا والله توجور صادير في لي ديكلاراسيون تاعنا قلنا بلي ستينغر دو كلون اي ان كلون كي سي دو فراجيليزي ان اوتر فينالمون ان كلون جو بونس بلي قضى على لوتر كلون ورام يطبخوا صادير رام يديروا في الطبخه تاعهم في لي لابو تاعهم صادير بور بريباري ان فيتور كانديدا donc je ne il faut que le peuple algérien n'accepte pas ça, ça il faut plus accepter ça, le paternalisme de تاعهم je l'appelle pas le paternalisme هذا الحقرة c'est-à-dire parce que احنا c'est-à-dire faut pas dire que le peuple algérien est مستقل mazal مستقلش parce que l'école مستقل c'est lui qui choisit son président il choisit ses députés et احنا ça n'a pas été fait depuis 62 donc احنا مازال مستقليناش donc اللي بغينا بهذه العقلية تاع Les décideurs, le self-restreint, هذا اللي حاكم البلاد سي لوي اللي va penser à la destinée du pays, ça il faut le refuser. لازم الناس تخرج للطريق pacifiquement, bien sûr. Tout doit se faire pacifiquement. Parce que je l'ai déjà parlé la dernière fois. قلت باللي الدم تاع الجزائر سي لو سيرون de ce système pourri. C'est-à-dire, madame الدم يسيل, madame تكون la survie تاع le pouvoir pourri هذايا. Donc, واش نقول لك, Ben Bitour, صراحة, أنا je vous pose la question. Qui lui a donné le droit de se présenter en tant que président, c'est-à-dire cette idée, elle est typiquement algérienne. Moi, Ben Bitour, moi je suis bien, moi j'ai refusé ceci, j'ai refusé cela, Et donc, moi, je suis président, tout m'a dit de te brûler. Non, c'est bibi, toi. Ce n'est pas comme ça. Monsieur Hak. Je te trouve le mouvement de l'opposition. En tant que président, on te brûle. C'est-à-dire, la conception des choses, elle doit changer pour les Algériens. C'est le peuple qui choisit, ce n'est pas Bembe Touré, ce n'est pas les labos. La légitimité, il faut que les gens y soient légitimes. Mais c'est pas, de toute façon, tu l'as dit, c'est dans un système qui, politique qui n'est pas lui-même un système politique, toutes les distorsions, tous les dysfonctionnements découlent de ça, en fait. Ouais, c'est OK, de toute façon. Sinon, voilà, si tu as quelque chose à rajouter, sinon le message il est assez clair. Il n'y a pas de problème. Anna Filhak a préparé le sujet, la dérocette le samedi prochain, je ne serai pas là. Je suis en congrès, malheureusement. Ah ouais. Tu penses à quoi? Sur la corruption sportive. La corruption sportive, il faut qu'on la fasse ensemble, ouais. J'ai préparé les textes. On va essayer de la faire prochainement, peut-être pas samedi prochain, on essaie de faire juste samedi d'après ou là, et on lui consacre complètement. C'est un sujet intéressant, et j'avais pensé à toi pour le sujet, en fait, c'est-à-dire voilà, on va essayer de l'expliquer comment ça se présente, les différentes facettes, et puis les gens ils peuvent commenter, ils peuvent appeler et donner leur avis. Il n'y a pas de problème. Impeccable, merci beaucoup. Et puis appelle quand tu veux. Merci beaucoup. On va essayer de transmettre. Merci, à très bientôt, Inch'Allah. Donc voilà, l'Akhalim de l'Association algérienne de lutte contre la corruption. Sur le sujet de ce soir qu'on a proposé, c'est la maladie du président et puis ce que vous pensez en tant que citoyen. Ou la halte des chômeurs, puis la société civile algérienne, à propos des intimidations, répressions. Il y a même, si vous l'avez lu, un article Talwatan qui a résumé certaines affaires où ils naissent, darbo sérieusement dans les commissariats. Il y a des cas même de torture. Et puis il y a des intimidations, et puis les gens ils sont embarqués dans les commissariats et tout. Je sais pas ce que vous pensez de ça, si vous avez ta'liq ala al-amr. Sinon, ça se passe comme ça sur Radio Chicha. Vous pouvez appeler Khaouti sur Skype Chicha DZ pour participer si vous avez quelque chose à dire. Sinon, je vais essayer de vous passer de la musique. Debza. Je vous retrouve dans quelques secondes. I'm on fire, Jack, keep your hands off my... Allô, allô. Allô, allô, salam alaikum. Ah, pardon, ça a coupé. Si tu peux rappeler, Khoya. Marhaba bik, sinon on retourne à Debza. Tu peux rappeler quand tu veux, Khoya. Allô, allô, salam alaikum. Ah, ça a coupé. Et alors, désolé, Khaouti, ça se passe comme ça sur Radio Chicha. On essaye de faire passer les auditeurs qui essaient d'appeler. C'est sur Skype, Chicha DZ. Vérifiez un peu le son. Si vous passez à l'antenne, il faut couper d'abord la radio chez vous, couper le son à la radio, puis on va parler sur Skype. Voilà, désolé, ça a coupé. Il y a des gens qui ont essayé d'appeler, ça a pas marché, c'est pas grave. عطوني زعم تراكتور بريزيدان وديريكتور بنوني صور على صور وانا حالتي كالمدعور هذه ثورة صراعية شابوليك واللي قلت لي جبتوا بينا الصربية هذه ثورة صراع الحية رحنا بالطب المجاني ناس الكاهط باش تداوي عندي فول العام الثاني بدمك تطرح نجاني هتلر ودلوسنا ماريكان في الصحراء هزنا وشرفوا شحال من دخلنا في المصدات اللي باعنا ليفاليستي بلوماتيك هاد العام فيه لطفيك وسمرا وعلى خطيك ويضطر تحش وترعيك شركات البلاد خلات ديريكتور دار بريكات شطوات طلعت وعلات هذا ثوري هو بالذات هذه ثورة لا تنورة والخواجب تتصورة والحالة ماهيش منورة والثورة ولا تنورة وش رصاير في الجزائر وش رصاير في البحاير واحد ساير لفرطاير واحد كاسب الملاير ويخطيهم بشكاير هو ياكل في البطاير وانت ضربك وصفاير وش رصاير في الجزائر وش رصاير. Donc voilà, Khaouti, c'était le groupe Dbza, Ouchra Saïr Fil Jazair, sur Radio Chicha. Comme vous le savez, vous pouvez nous suivre, nous écouter ou même appeler à partir du site radiochicha.com. Chouali a bien radiochicha.com. Vous pouvez suivre de toute façon la musique toute la journée. Il y a un programme, de toute façon, vous pouvez vérifier ça. L'émission هذه c'est émission مع les auditeurs يقدروا يعيطوا لنا عبر سكايب il faut appeler Hachicha DZ. Le sujet تاع اليوم c'est la maladie du président algérien. Sujet واحد اخر ثاني on l'a proposé c'est التعسف ضد les chômeurs algériens, les comités تاع les chômeurs. Et puis on a introduit aussi le sujet de l'affaire de Tibhirin. Il y a eu un documentaire récemment, ça a fait beaucoup de commentaires, ça a parlé sur les médias. L'affaire des moines de Tibhirin qui est revenue comme ça à la une. Je ne sais pas si vous avez un point de vue sur cette affaire ou là sur ce film qui vient de passer, si vous l'avez vu. Voilà, donc encore une fois, désolé pour les gens que j'ai pas pu faire passer, ça n'a pas marché. Vous pouvez intervenir quand vous voulez, Khaouti. Si vous ne voulez pas intervenir, on va vous passer de la musique. J'espère que vous aimez ça, de toute façon. Anaya, ça va, ça se passe bien. J'espère que ça se passe bien chez vous aussi. Sinon, Weshgel Nesl Riwan. شاط الخير ضركتوه ما شفناه تعبنا فيه الواد الدار فاين ولاين الدار بحت بالسر وبيه غنيت ولا من حد قال آه مليت العيشة وما عييت والطماع في الدنيا لابد من عراه. الدنيا مخوضة العيون فيناها، الدنيا منكدة العقول أرويناها، ولو كان موكا ترجع طبيب حتى الضبع يرجع حجام. Why? الادم وحبوبات الفصال اسمان الادم وحبوبات الفصال اسمان الادم عشان صار عليك انت عليك انت وايه Voilà, c'était Nesl Riwen sur Radio Hachicha. Je salue tous les auditeurs, Enemekenou, ceux qui nous écoutent ici et là-bas, ceux qui sont en Algérie, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont réels, ceux qui sont virtuels. Sinon, Mrahbabikoum Khaouti, vous pouvez participer à cette émission, donc comme tous les samedis soirs, à la Belkoum. Vous pouvez appeler Hachicha DZ sur Skype et hop, vous êtes en direct. Chaque soir, chaque samedi soir, donc sujet, c'est on choisit un sujet comme ça, on parle, on donne notre avis, on essaie de commenter, nhaouloun dirou tawasul, partager un peu nos points de vue, nos informations. C'est un canal d'expression. Nas andha alhaq exprimi ana binatoum yani nas hadou. Quand il y a des appels, je les fais passer. Quand il n'y a pas beaucoup d'appels, ben on passe un peu de musique et puis j'en profite un pour dire moi mon avis, comme tout le monde en fait. Et je voulais revenir vite fait à Kayani Nikash, Minbeb Nikash, Kadit, l'assassinat des moines de Tibhirine, qui est un sujet assez, moi je dirais, c'est un sujet assez délicat. Par le fait que chefna qui fait yani quand le sujet de l'assassinat des moines de Tibhirine revient, on remarque billi kaynes menjih ou menjih ou jih, ils se font un peu la guerre à cause des interprétations que font les uns et les autres de l'affaire Hadi en particulier ta les moines de Tibhirine, mais qui nous renvoie un peu aux années 90 en Algérie, de ce qui s'est passé sur les massacres de masse, sur les violences extrêmes que les gens ont subi de partout, yani nes, ils ont subi des choses. Et du coup, par exemple, l'affaire Hadi ta les moines de Tibhirine, quand elle revient, tout de suite l'affaire Hadi ta les années 90 t'as là. Et on voit bien, مثلاً انا لاحظتها في les réseaux sociaux la main sur les journaux, comment tout de suite il y a une démarcation qui se fait à quatre. Tout de suite il y a deux groupes, c'est lui le tueur, etc., etc. Et du coup, c'est voilà, c'est une histoire qui est liée aux années 90, qui est très délicate. Par ailleurs, pourquoi en fait on a reparlé ces derniers jours sur l'affaire des mois de Tibhirine, c'est à l'occasion de la diffusion par France 3, une chaîne de télévision française donc, d'un film documentaire, une sorte de documentaire et enquête tel qu'il se présente, à propos de cette affaire là de l'assassinat des moines en 1996 ou la Maranichalat 94 ou la 96 ou la Manichevi. Et il y a un film qui est revenu faire l'enquête, etc. En fait, il s'agit d'une enquête qui, à mon avis, je la résumerai comme ça. Les journalistes, les deux journalistes qui ont fait ça, ont été rencontrés des gens, ils ont fait des témoignages. Et ils ont interviewé les gens qui étaient, soi-disant, comme ils se présentent là, comme étant c'est des gens qui étaient très proches de l'affaire Hadith, les moines, notamment c'était des islamistes qui étaient les groupes islamiques armés, qui avaient revendiqué, si vous, en fait, tout le monde connaît, je pense, cette affaire, du moins la partie visible, tout le monde la connaît, avec les médias Tahkialia. Donc il y a eu des témoignages et il y a eu des débats suite à ça. Alors parce que le film Hada, il est venu dire Billy, les assassins des moines de Tibhirine sont les islamistes. Point. Les islamistes du GIA. Point. Ou qu'al ha le réalisateur le réalisateur du documentaire, qu'al ha Billy, Hadi, on est là pour arrêter la spéculation sur l'affaire Hadi Tash. Qu'on est les moines de Tibhirine. Maintenant, on a les témoignages de ceux qui les ont tués. Les témoins, ma qu'allek chana li égorgé tout, lakin hadak li kan qoddami huwa li égorgé. C'est des témoignages. Et en fait, il se trouve que les témoignages hadou, ils sont remis en cause, ou là, il y a un doute sur ces témoignages, un doute que tous les observateurs de qui suivent la situation algérienne, qui la connaissent, qui l'ont vécu, qui la vivent, ou là, ceux qui sont connaisseurs de ce qui s'est passé et tout, ils disent tous, blé, attention, hadou qu'on nous présente comme étant des témoins, ce sont des gens, en fait, qui, d'une manière ou d'une autre, عليهم شك انهم سواء خدامين مع جهة أو جهة أخرى أو c'est des gens qui ont été retournés أو c'est des gens qui ont inventé des histoires, etc. Il y a un gros doute en fait. Et c'est ce qui a fait un peu buzz sur les réseaux sociaux en disant, blé, voilà, ils viennent nous dire, blé, on a des témoins et c'est sûr, et khlas, on n'a plus le droit de questionner cette affaire puisque des témoins ont parlé et on arrête de réfléchir sur cette affaire, on arrête de chercher la vérité. En fait, un documentaire comme ça et notamment les interviews qui ont été données, on voit bien qu'on veut clore une affaire, alors que, en fait, alors que la justice n'est pas encore passée. C'est dire, yani, à mon avis, ça c'est mon avis, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est mon avis. C'est dire à quel point, dawa m'aouja, en fait, c'est pas comme ça que ça devrait se présenter. Moi je dis, qu'est-ce qui empêche la justice depuis 1994 ou la 1995, la mi des années 90, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui empêche la justice algérienne et la justice française de faire son travail? Et ça fait 15 ans ou là, depuis 95 ou la 96 jusqu'à maintenant, ça fait 15 ou là, près 20 ans maintenant, la justice elle n'arrive pas à avancer, elle n'arrive pas à questionner les gens, elle n'arrive pas à croiser les informations. Qui c'est qui les empêche de faire, qui c'est qui empêche la justice de faire son travail? C'est ça les questions qu'il faut poser. Au lieu de venir en tant que journaliste faire la justice, et en plus en disant blikhla, c'est-à-dire hey, on vous donne les preuves, alors qu'il y a toute une tonne de témoignages qui nous disent blé attention, même quand quelqu'un il est du GIA, on ne sait pas si huwa GIA sah ou la yakhdem ou la qui match tchoula hadi ta'af. Qui connaît quand tu fais le Jazeera les années 90 ou ya Latif ou c'était incroyable. Ou gars, مثلا, tchoula hadi, qu'on en coule au haka, j'étais à Alger, qu'on en coule صادر اذا في لي باراج في لي فو باراج مع الناس تشك شكون هادو لي فو باراج هادو مثلا، لانه الناس على بالها باللي il y a eu خلطه il y a eu manipulation c'est pas يعني pour dédouaner les uns ou les autres il s'agit pas de dédouaner il s'agit de ça c'est mon point de vue il s'agit de militer de pousser pour qu'il y ait la vérité quelle qu'elle soit la vérité il faut pas venir dire non pour des raisons idéologiques ça veut dire ana yahab le foulane ou foulane c'est eux les criminels et point on ne cherche plus et on passe par les médias lourds français pour imposer tout ça et en fait non la vérité elle se cherche pas comme ça la vérité elle se cherche d'une manière sérieuse ça dit mat mskhrouch yani mais on ne rigole pas avec ces choses qui sont qui m'écoulent d'une lourdeur importante et tout et nous on assiste à ça moi c'est ce que je pense de toute façon on assiste à on prend à la légère les questions qui concernent la justice la justice c'est comme s'il y a 36 000 justices c'est comme s'il y a 36 000 vérités ben non quand il y a crime il y a une seule vérité en fait il faut la rechercher, il faut la dire, il faut la rendre publique et il faut rendre justice à ceux qui ont été les victimes point barre, voilà c'est comme ça que les fondamentaux c'est ceux-là actuellement nous assistons à autre chose on nous impose des théories, on nous dit vous n'avez même pas le droit de réfléchir, de chercher, de pourquoi vous voulez chercher à comprendre. Vous voulez dédouaner un tel, on a décidé que c'était eux les tueurs, donc vous voulez les dédouaner, etc. On est dans une logique en fait qui n'a aucun avenir, c'est clair, et parce que à l'avenir il n'y a que la vérité qui triomphera, donc voilà. Voilà ce que je voulais dire sur l'affaire de Tibhirin. C'est juste un avis personnel, encore une fois. Je ne sais pas si vous avez un avis sur ces histoires-là. Encore une fois, je me rends compte, Billy, c'est très compliqué. Je me rends compte, Billy, il y a une tonne de propagande qui pèse sur les gens. Du coup, chacun il vient avec sa vérité. C'est pas facile, etc. On vient chacun de son monde. Mais moi, je dis. La meilleure des solutions, c'est de rester un peu lucide. Ou chouya, l'ouad meyaouj, haka, dnia, haka, taouj, ha, la terre, elle n'est pas plate. Tu peux pas, yani, t'qlbha, haka. Quand on dit, bli, il faut rechercher la vérité, il faut rechercher la vérité. On dit pas, bli, non, il faut rechercher la vérité, mais moi, je vais vous la dire à l'avance, la vérité. Hadi, y a la vérité. Je vois pas de quelle logique ça relève, ça. Voilà, ça c'est mon avis sur cette affaire-là de l'assassinat des moines de Tibhirin. Il n'y a pas que leur assassinat de toute façon qui subit ce même tatim, cette même façon de gérer tous les assassinats de masse. Et il y a eu des assassinats de masse sur lesquels beaucoup de questions restent sans réponse jusqu'à maintenant, puisque ceux qui détiennent le pouvoir ne veulent pas faire de vérité, ni de justice, ni de rien du tout. Ça pose problème. Et voilà. Sinon, je vous dis, ça se passe comme ça sur Radio Chicha. Je vais vous passer de la musique, puisqu'on a encore à peu près 40 minutes à passer ensemble, avec grand plaisir pour moi. C'est une émission de débat. Les gens, ils peuvent appeler s'ils veulent intervenir sur Skype. Sur Skype, il suffit d'appeler Chicha DZ si vous voulez passer en direct. Vous pouvez faire comme je fais là, yani, c'est ouvert. On essaie juste de rester, bien sûr, fi houdou de la discussion. On a un appel de notre ami Freeman. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Marhaba bik. Attends, Samir, une minute, je vais fermer la radio. Ouais. Voilà, j'espère que là, il n'y a plus de radio, c'est bon. Impeccable, là, c'est net. Ça va, la base ça va, alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah, marhaba bik. Salamak. Comme toujours, je passe le bonsoir et le bonjour à tous nos confrères et nos consoeurs algériens et algériennes. Je te salue, toi, Samir. Marhaba bik. Salamak. Donc, j'étais en train d'écouter un peu tes opinions, tes avis et tout ça. Et franchement, ça m'a donné envie de participer un peu. Mais bon, je vais être un peu court parce que parfois, quand je suis en live, avec le track, t'arrives pas à développer tes idées. Voilà, je suis du genre un peu timide, tu vois. Il n'y a pas de problème, on est deux. Voilà, exactement. Et je voulais juste dire, tu avais soumis une idée sur le fait que que la vérité devrait apparaître au-delà de l'opinion idéologique. Ce qui est tout à fait clair et louable. L'humanité n'avancera jamais sans reconnaître ses erreurs et sans déduire la vérité. Ça, c'est clair. On va juste raisonner un petit peu logiquement, juste pour un peu décrypter la chose. On parle des moines de DBT Bahreïn, ça fait 15 ans, là, 20 ans que ça dure. C'est une histoire qu'on essaie toujours de faire passer entre les gouttes de pluie et tout ça, entre les gouttes d'eau. Dans le cas, c'est simple. Qui est en place depuis 1990? C'est tous les acteurs politiques qu'on voit actuellement au niveau des élites algériennes. Vrai ou faux? Ouais. Voilà. Ah. Donc, si pendant 20 ans, on a tout fait pour casser les procédures judiciaires, pour monter une enquête indépendante, ainsi de suite, concernant ce sujet. Donc, la partie la plus forte qui est censée le faire, c'est ceux qui sont au pouvoir. Directement. Donc, c'est pas, par exemple, attention, je ne prends pas parti de quelqu'un, c'est juste pour citer Anihak d'un exemple, parce que, comme ça, ce personnage a été l'un des je ne sais pas s'il était victime ou acteur ou n'importe, comme par exemple Ali Belhaj ou Abbasi Madani, c'est pas eux qui ont eu le pouvoir depuis 1990. Donc pour pouvoir tirer tous les fils à droite et à gauche pour essayer d'effacer ou de saboter toute enquête indépendante ou n'importe, donc ils n'ont pas pu le faire. Car ils n'ont pas le pouvoir, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Ils n'ont pas les moyens légaux de pouvoir casser tous ces processus. Donc le seul qui a peur que la vérité ressorte, c'est bien le pouvoir algérien. C'est lui qui est en train de bloquer le processus juridique, judiciaire, tout simplement. Barakallahu fik. Donc, Houma, ils sont au pouvoir, ils sont en place, ils ont tous les appareils de l'État entre leurs mains. Et ils font tout pour que beaucoup de vérités n'apparaissent pas. Parce que si la vérité, elle est, comment dirais-je, une sorte de bulle catastrophique pour eux. Donc, si la vérité, toute vérité, remonte à la surface, elle va les avaler dans un tourbillon infernal. Tu vois ce que je veux dire? Ben voilà. On est, je pense, en droit de déduire ce genre de choses. Quand tu dis Bli Foulen ne veut pas qu'il y ait une enquête, ben la première réflexe, les aya insan logique, عادي يعني, aya insan يقول لك ah هذا سيد il veut pas d'enquête, c'est que ça va pas, il y a quelque chose qui cache, il est impliqué ou là. Et la meilleure chose à faire, c'est de laisser la justice faire son travail et d'une manière qui me coule sérieuse, aya, ça de manière à donner des garanties, bli rana nkhdmou sérieux, ma rana tmeskhrou comme c'est le cas jusqu'à maintenant. Barakallahu fik. Mais encore, j'irai plus loin. Non seulement ce pouvoir démoniaque fait tout pour garder les dossiers noirs sous le tapis ou là sous le parquet, mais j'irai encore plus loin. C'est l'État français qui l'aide à le faire. L'État français lui-même est complice de cette affaire-là. Allô? Ouais, je t'entends très très bien. Oui, comme je t'avais dit, l'État français est beaucoup de... Et j'irais même te dire que tout ce qui est Human Rights, Right Watch ou n'importe, ces structures indépendantes internationales qui se disent garantes des droits de l'homme et tout ça, sont même complices là-dedans. Ils ont été complices dans beaucoup de crimes d'ailleurs, comme celui des Rwanda, des Tutsis et des Ah, j'ai oublié l'autre ouais. tribu, comment elle s'appelle. Ouais. Comme dans beaucoup de cas. Donc voilà. Donc moi je dis que qu'il faut il y a un livre si je peux le citer d'Alain Soral qui s'appelle Comprendre l'Empire. Demain le réveil des nations ou le réveil des nations ou la fin des peuples. Enfin bref, si je cite correctement la chose. Donc c'est le pouvoir hada minimal, yani minimaliste. Le pouvoir hada qui est une petite minorité, une petite nomenclature de 2% qui veut maîtriser les autres 98% de la population du monde. Le schéma, on le voit en Algérie, parce que c'est 2% barque de petits voyous, de petites racailles qui essayent de nous... comment dirais-je, de nous noyer et de nous finir autant que peuple. Hadou, il faut s'en débarrasser, c'est tout, parce qu'ils sont pas utiles à notre bien-être. Ils sont pas utiles à notre développement, à notre existence. Pourquoi les supporter encore? Pourquoi il faut nahouhom, sinon c'est eux qui vont se charger de nous. Tu vois? Et ils maîtrisent tout à leur niveau, yani, hein, pour te dire, tout ce qui est hado institution. Là, juste pour faire court, je ne crois pas du tout à tout ce qui est droit de l'homme, à HSDE, les trucs hado, Human Rights Watch et tout ça. Tout ça, c'est de la foutaise. Si on n'arrive pas à te manipuler dans le cadre politique local, on arrivera à te manipuler plus haut. Si tu sors le cercle hada, tu vas à un autre cercle, ils vont te récupérer, ils vont te manipuler, t'endormir, ainsi de suite. Ah bon, tu es humaniste, alors viens chez nous, on va encore te plonger dans un... On va encore t'endormir, tu vois. Et voilà, donc les moines de type Hrin, ou toute autre affaire ne verra jamais le jour, sauf si l'État français veut obtenir quelque chose de ces dirigeants algériens en leur faisant un chantage ou de la haja devant le truc, le juge international ou je sais pas, le tribunal d'instance internationale. Ils vont leur sortir ces dossiers ou ils vont leur faire du chantage. J'ai dit, ya, c'est tout. Mais sinon, dans le cas de Tibhrin, c'est un cas comme un autre. C'est Kemal Majzarat Ramka ou la Majzarat. Il y en a beaucoup. Ouais. Voilà. C'est un exemple en fait. C'est vrai que on n'a pas encore avancé sur beaucoup beaucoup de cas. La seule chose que le régime algérien il a réussi à faire, c'est d'ailleurs même leur avocat là qui s'occupe des disparus, etc. Il a toujours défendu l'idée, bli, ça y est, c'est bon, on les a dédommagés. Et donc l'affaire est réglée, c'est-à-dire l'affaire est réglée par voilà, lui-même il reconnaît Bli, le règlement de l'affaire se fait par dédommagement, par le fait d'acheter le silence des gens, et pas par le fait que justice soit rendue en fait. Et ça, c'est à mon avis c'est une sorte de, on appelle ça une sorte de bombe à retardement, c'est-à-dire tu veux pas que ça explose aujourd'hui, mais ça explosera demain de toute façon. Donc la question, elle est à la vérité, est à la justice, et obligatoirement elle viendra un jour ou l'autre. C'est la loi de la nature, c'est la loi de l'être humain. Partout dans le monde où il y a eu des gens qui ont été kidnappés, ou là des gens qui ont été massacrés en masse comme ça, ou là exécutés et tout, un jour ou l'autre il faudra bien que la justice passe par là. À obliger. C'est de toute l'histoire de l'humanité, elle est faite comme ça. Donc voilà. Ouais, tout à fait. Bon, c'est vrai. Bon, il y a eu. Je dirais que par exemple, depuis 1830 en Algérie, on a subi beaucoup de génocides, beaucoup d'injustices, beaucoup de. La problématique, c'est que maintenant, après 10 ou la 20 générations, les nouvelles populations, les nouvelles générations, ils vont se dédouaner de ces crimes. Parce que quand tu ne réagis pas quand tu cherches pas la justice sur l'instant même et que tu laisses durer, ton droit va s'échapper, tu vois, il va partir. Donc Hadith Tani, c'est il faut faire attention à ça et surtout il faut éduquer nos enfants à ne pas oublier les injustices quoi qu'il y a eu pendant toute l'histoire de l'humanité, leur histoire, l'histoire de leur nation, ou n'importe. Tout à fait, c'est, tu as raison. Exact. Atek Saha, sinon, mais si tu as quelque chose à rajouter, il n'y a pas de problème. Le sujet de l'élément de Tibahrin, c'était juste. Il y avait juste ce sujet-là ou... Non, en fait, j'avais introduit au tout début trois sujets. Il y avait celui-là de Tibahrin, mais sinon, il y a aussi la maladie de Bouteflika et la question où est le président. Et il y a une dernière chose, en fait, moi, qui me semblait importante, c'est la répression qui se fait sur les militants. Les chômeurs, les comités des chômeurs et tout, ils sont réprimés, ils sont emprisonnés, ils sont embarqués par les flics, tabassés et tout. Je me suis dit l'occasion de faire intervenir Yanni sur ce sujet aussi. Si tu as un avis sur ça. Enfin, j'ai... Oui, disons que... exactement, quand... Concernant la maladie de Bouteflika, je pense que c'est une ruse. J'avais fait une vidéo intervention un peu courte. Et comme tu sais, je prépare jamais mes textes ou n'importe. J'aime bien parler Hagda. Spontané. Voilà, en improvisant, mais j'ai beaucoup de mal quand c'est du live, comme je t'ai dit, tu ressens la pression. Et je sais pas pourquoi j'arrive pas à enlever ce trac. Alors. Ah non, je pense qu'il est normal, NFN. Concernant Bouteflika, je pense très, très, très sincèrement que c'est une ruse que la nomenclatura est en train de c'est une arnaque construite pour à mon avis hein, tout est possible. Bouteflika, il peut être mort, comme il peut être vivant, comme avec le mohem. Mais je pense que on essaye pour que les élections de 2014 se déroulent bien dans les normes. Ils essayent de faire discréditer l'opposition en leur créant une fausse manœuvre. De leur part, pour qu'ils spéculent, qu'ils émettent toutes les hypothèses possibles et parfois qu'ils les certifient. Alors, par exemple, le Maghrebia, le spectateur qui chauffe, il dit que le Maghrebia, c'est des gens honnêtes, pour une fois, on a une télévision, faire l'opposition, peut-être que ça sera la solution pour demain, je ne sais pas, il dit que bon, c'est des gens apparemment honnêtes ou quoi. Par exemple, Maghrebia va spéculer. Ou l'autre, le gouvernement, les ministres, les premiers ministres, tout ça, voilà, nous avons dit, يقول لك ها وش به وعلاش ما تنعتوش فيه ما لا راه كاش ما صرات له حاجه بالك مات ولا كاش ما صرات له ان ديغا ولا تي فوا ومن بعد في لو مومون وين بار اكزومبل الشعب يبدا ريالمون اي كومونس ا دوتي لا رومور كومونس ا غراندير وكلش بدا يقول لك صح بوتفليقة ونراحوا على حنا ما عندناش عندنا بلاد بلا بريزيدون واش اللي كاين هذا كيس كي سباسي تو سا في لو مومون هذاك يبان بوتفليقة وش تقول لا لا لا لا لا لا النظام وش يقول لك شفتوا كيفاش حنا صافي دركا دو سيمان ولا تخوا سيمان ولا ام وحنا نقول لكم هاو بوتفليقة لاباس به وكلش انتم تحبوا ديروا لنا الفتنة تشوفوا شنو جو دير حابين ديروا لنا الفتنة ولا هنا سي لا هو اون فاتر بيجي تشوفوا سي سا لو ريسك لو بلوس extraordinaire. De toute façon, il y a que eux qui savent, il y a que eux qui ont l'information, ça dit au mal et belle. C'est eux qui monopolisent l'information, donc toi tu peux que tomber dans des pièges. كي دونك انا واش اللي نقول لوبوزيسيون نقول لهم يعني او بير دي كا ما تهضروش على بوتفليقه اسكو واش بيه ولا ما واش بيهش خليهم هما يغرقوا في لا بروبر ايرور تاعهم خليهم هما يغرقوا في لا بيتيز تاعهم لسي لي سو كونفرونتي ا لور بروبر كونتراديكسيون ما تهضروش على بوتفليقه خلاص بوتفليقه انا بور موا بيرسونيلمون مش انسان مهم يعني واش اللي دار البلاد واش اللي دار الجزائر او كاو يجي واش راح يبدل هادو هما لي كيسيون كي فوس بوزي لي ريال كيسيون كي فوس ما راح يتبدل والو راح يبقى لو ميم توجور لو ميم ديليغ البلاد مهلوكه لا كوربسيون كاينه لا ما تبدل والو تو سامبلومون الوغ تو سا سي دي فو دي با تو سا سي دي Moi, je dis qu'il ne faut pas trop accorder d'importance à Bouteflika, même si s'il est 6 pieds sous terre, d'accord. Rabbi, c'est allé, ou j'ai rien dit l'ouana, par exemple. Hein? Je te donne mon avis, Samir. Hein? Tu vois, mais... Ou j'ai rien dit l'ouana, à Oumet, ou j'ai rien dit l'ouana. Ou j'ai rien dit l'ouana, ou qu'est-ce qu'il a naqs li fi hayati, ou la zed li fi hayati. Mais qu'en ouelle, ou il n'y a rien. Tout ça, c'est du blabla, c'est du vent. Mais j'ai dit, c'est ce que je veux dire par là. Et concernant les jeunes chômeurs, les jeunes chômeurs. Donc, moi je t'aime beaucoup le Samir, c'est qui m'a dit, c'est eux ou c'est nous. Tu crois qu'ils vont te rachmer par exemple, le nidam va te rachmer. Mais si tu veux que tu te rachmer, déjà depuis les années 90. Tu comprends? Tu m'as dit que les jeunes chômeurs ou les activistes politiques ou n'importe. Il ne faut pas se plaindre. Mais si, il ne faut pas se plaindre. Si, si, il faut présenter les injustices ou les médias ou tout. Il faut faire du bruit, c'est clair. Il ne faut pas se laisser faire. C'est pas étonnant, c'est une réaction naturelle, un pouvoir qui veut tenir le plus longtemps possible avec tous les outils qu'il a entre les mains. Ourdoua, la kan yhbi exterminer, non, est-ce exterminer na boukoul, on rah el mchkoul, normal. Donc كيفاه حنا on va réagir en face de ça. Houma c'est des salofini, excuse-moi l'expression. C'est des criminels finis. D'accord. Il est capable, il les pires des saloperies. L'hélicoptère est taïchk fait le bhar, il va te faire disparaître. Ou je connais les chefs, ou je connais les rahis ou salik. C'est. Comment tu dois réagir? Les stratégies, les ruses ou le. Tu dois réagir pour le faire basculer de son. De sa chaise ou là de son l'arche tao qui fait le hime l'arche tao quelles sont tes solutions je pense pas que le pouvoir algérien Allahu a'lam je donne toujours mes opinions la kan ma yfrihouhach les militaires en Algérie mais hatta ma yqdar yfriha Samir hadi hiya la vérité ki nhadr les militaires attention ma nhadrach ala lfasdin hadouk كما توفيق وجماعته نهضر على لي ميليتير يعني اللي عندهم الاحساس الوطني تاع الصح يعني اللي كانوا اللي جاوا لي جون بروموسيون اللي جاوا في وقت بومدين اي تو سا اللي طلعوا دي زوفيسيي بون خليني انا نقول لك يعني انا جادمير دو بلو بروفون دو مون كور بومدين انت بوتيتر كو سي با طون كا ولا دوتر بيرسون كي نوز ايكوت Et Anna, je fais des références à elle parce que c'est la période où les têtes relâtent, fait ouais, je m'écanne et habille Jazair. Et la période, il a posé les bases essentielles pour qu'un pays puisse fonctionner. Maintenant, le moyen, tu m'as laquelle mettre frère à l'armée, fil Jazair, mes frères, t'as ouais, mettre frère à ni chauffe, mon d'art à Selmia, fil Jazair. لازم تكون ما تكونش كيما كانت في مصر ولا كيما في تونس ولا باسكو لو بوفوار شوف فكر مليح لو بوفوار اون بلاص عنده 200 مليار دو دورو على الاكستيريور دو ريزيرف دي شانج ولا 200 مليار دو دولار اون سان فو المهم لو شيفر اي انورم وخلاص انت تروح توقف له في ساحة شهداء ولا وش راح تأثر عليه؟ عنده 200 مليار حطهم في الأمريكان، وش راح تدير له؟ يحب يخرج الصباح يشرب القهوة في باري، العشية يتغدى في لندن، في الليل يتعشى في نيويورك، وصافا لوي بزي غيان جوتو. وانت وش راح تدير له؟ أنا أقعد شوف جو ديفي تو لي جون دو لالجيري يخرجوا يقعدوا في ساحة الشهداء ولا ساحة جو سي با كوا ولا ساحة القطط ولا الكلاب ولا جو سي با، روحوا قعدوا لتما. كاسكو فوزالي شونك، واش راحين يديروا لكم؟ راحين يجيبوا لكم لارمي يخرجوكم؟ راحين ما يديروا لكم والو، باسكو هما ضامنين 200 مليار دو دولار. يحب الماكله يكومونديها من المكسيك تجيه، ولا يكومونديها من كندا تجيه، واش راح يدير بك انت؟ وقفلوا على راه ما راح تفال غيان لوي كاسي تفال غيان لوي عنده لي كيفاش سميهم لي زاليونس مع لي طرونجي مع الامريكان مع لانجلتر مع فرنسا لي 3 برينسيپو بيليي دو لوكسيدون. عنده دي زاليونس تري فورت تري انكري معاهم باسكو لا في دي انفستيسمون لابا، يل غارد سون ارجون لابا. زعما الامريكان راح تولي من الكوتي تاع لو بوبل الجيريان، سا نا با سونس. فهمتني؟ سولي كي بو كريي لا ريال بالانس في الجزائر ا مون افي ديجا لا تاكتيك تاع المظاهره السلميه اللي يديروا فيها في الجزائر ديجا الاولى غلطه، باسكو باش تحب تاثر على ان ديريجون الجيريان روح له قدام دارو وين يسكن، ما تروحلوش لا ميري ولا، روح له قدام دارو، قعد له قدام دارو تو سامبلومون. قعد له tu fais le site in devant sa maison. يخرج ترمي عليها الطماطم مع الطوموبيل، رمي عليها bon j'oserais pas dire ça الحجر ولا ما على باليش. يدخل ainsi de suite ولادو يدخلوا يخرجوا. لازم كيما هو ديرونجاك في حياتك، كيما هو اثر عليك في حياتك وحطم لك حياتك، انت لازم تدير له لا ميم بريسيون عليه. فهمتني؟ هذه هي. روح له منين دارو منين كلوب دي بان، قعد له تم ما تخرجلوش من تم. فهمتني؟ سي تو بو اوزي يدخل له لدارو داخل دارو. فهمت؟ سي كلير. وهكذا تو اون بو اريفي ا كلكو شوز، كي ديرونجيهم وين يكونوا تو بو اريفي ا كلكو شوز. روح لي ستركتور وين هما يقعدوا فيهم. ما تروحش باغ اكزومبل لي ستركتور ايكونوميك هادو، باغ اكزومبل تروح للصحراء دير ان سيتين في الصحراء منين حاسي مسعود صرا نيكونيتات. على باليش انا دابخي موا tu vois tu vas juste retarder l'économie ou plus ou moins l'état de pauvreté et de misère اللي رانا فيه. كي تروح لحاسي مسعود تحرم على لي زاميريكان تما، ولي زاميريكان بالك قادرين يدوروا عليهم. بصح voilà il faut trouver des tactiques كيما هادو اللي ديجا راكم غالطين في لا تاكتيك. وديجا لازم لو بوفوار لوبوزيسيون سيفيل هادي لازم الانغاج ا كيفاش يقولوها ان ديبا افيك لي ميليتير qui ont envie, qui sont dans une position de plus ou moins de faiblesse, de timidité, je dirais, et qui ont envie de changer les choses en Algérie, qui ont envie d'apporter le changement, mais qui n'ont pas le soutien. Il faut engager un débat avec eux, il faut les faire. Très bien. Si tu vois ce que je veux dire, il faut les encourager. Nous sommes tous les deux, mais tout le monde reste, la société civile reste cloîtré dans un coin ou هذوك الاخرين يبقاو يبوت dans un coin. كيما حركه الضباط الحرار مع سمي لي اسمه احمد شوشان. احمد شوشان ولا باسكو دابري سكو جو سي هو ماهوش داخل في حركه الضباط الحرار. كيفاش اسمه لو كابيل هذاك يا ربي وقنون حسين هارون. حسين هارون ربي يذكره بالخير، سان كا فريمون ربي يحفظه ان شاء الله. وعلاش وعلاش بار اكزومبل رشيد ما تروحش دير ما تروحش تضامن مع الضباط الاحرار بار اكزومبل؟ وعلاش الحركات هادو تاع لوبوزيسيون كي سو ديز سلميه وكذا ما يروحوش يفون با فير لي فورس هادو تاع لي سيكوريتي تاع لارمي كي فول شانجي كلكو شوز. فو كومونسي ا كروزي بار لا بوتيتر جو سي با. Je pense que peut-être il y a eu des alliances sous la table qui ont été faites ou là. Je ne suis pas au courant. Mais l'armée algérienne est un carrefour obligatoire pour le changement en Algérie. Fantni. Ou bla l'armée algérienne. Quand tu peux te faire le moteur avec l'armée algérienne, mais dis le changement. Mais dis, je peux te le garantir. Parce que voilà, j'ai hâte ou la racaille, si je peux m'exprimer ainsi, عندهم tout leur pouvoir d'influence, toute leur vie allait à l'étranger, allait à l'extérieur de l'Algérie, parce que c'est des traîtres. Parce que ils ne يخدموش كان جاوا يخدموا على المصالح تاع بلادهم وكان تلقاهم بكل تلقاه يخرج ان مينيستر يخرج الصباح يدخل الطوموبيل تاعو حتى ما يجي ديرونجيها سيدي احمد نجاد بار اكزومبل اون ايران جو سي با سي بوكو فون ايمي سي كومون ديراج سي زيكزامبل كو جو دون احمد نجاد اون ايران habituellement il est allé à un mariage de son ami, de son meilleur ami, du fils de son meilleur ami, à 70 km ou à 80 km de son palais présidentiel, sans la présence de garde du corps ni qui que ce soit. Il a pris ses enfants, sa femme, l'ancienne 407 ou la 406 qui date de 20 ans, ils sont allés assister au mariage. Parce que هذا يخدم بلادو صح. On s'en fout de son idéologie. انا ما ندخلش في لي ديبا هادو. انا جاي اون اوبينيون تري بريسيس سور لي جوز هادو. هادو سي نو فرير مسلمان. بون هذا سي ان ديبا واحد اخر. المهم. وعلاش هاد لي مينيستر تاعنا ما تلقاهمش ما تلقاش يهز مرسي بار اكزومبل الطوموبيل تاعو ويروح يشوف صاحبو سون اسكورت سون ريان دو تو لا راح يشوف ان مونبر دو سا فامي ولا ما على باليش انا راح يشوف راح يلعب بينغ بونغ ولا يروح القهوه يقعد مع لي جان ولا باسكو سا في ان لي با اون الجيري تو سامبلومون سا في الي ايور اي لا تو في الى تو في بور ك بور كي بويس فيفر اوتر بار كون الجيري هادو سي دي زيترونجي على الجيري كيفاش انت تجي في راسك واحد ان بريزيدون يهز 25 ou 30 millions d'euros ou il va acheter un domaine en Suisse de centaines de milliers d'hectares, tu imagines Samir. À la belle que la loi foncière en Suisse où je te dis tout domaine ou la tout mur ou la toute maison ou la tout terrain chez les tafla Suisse 80 10 ans en bête tu feras ta propriété pendant 90 ans. Après 90 ans, tous les propriétés étaient à l'État. Ça veut dire les 30 millions à Hadouk. Alors, nous sommes à la 90 ans. Ça dépend de l'héritage. Tu vois? Ouais. Alors, nous sommes à la 90 ans. Après 90 ans, la propriété c'est pour, est à l'État. C'est pour eux, ouais. Tous les la Suisse. Ouais, c'est pour eux. Mbrokali, non. Barakallahu fik. Je suis déjà parti avec un ami, j'ai pris la voiture parce que j'ai habité en Suisse pendant 3 ans, je connais très très bien la Suisse. Je suis allé la propriété elle est entourée de flics, entourée de sécurité, c'est dans un quartier extrêmement surveillé, extrêmement résidentiel, qui ont toutes les stars du monde. Et je vous connais tellement qu'il y a même le Kfausmo, Sting, un chanteur très connu, un musicien très connu qui habite juste à côté. Tu m'as rappelé en tant qu'Algérien, si tu trouves la propriété, tu as dit que tu as dit que tu es bête parce que je suis sans papier, tu as dit que tu es la propriété qui peut héberger peut-être 10 000 ou 20 000 personnes pour un seul homme. فهمتني تركا هذا تجي تقول لي انا راهو في لوبيتال فال دو غراس وان شاء الله ربي يشفيه انا ربي سهل عليه كاسكي ما دوني ستون باش انا نقول له ربي يشفيه ولا ربي سهل عليه ربي سهل عليه سي لا غازيا دو ليمانيتي الناس هادو واش لي الناس هادو السيد حكمو ولد ويحيى افيك 50 ميل اورو اون بوش 50 000 euros في جيبو جست pour da 50 000 euros comme argent de poche. مسخربين انا رانا رايحين هكا. سي كلير. 50 000 euros وانا تلقى مساكن ديجا لهنا والله سي جو راكونت لا في دان سون بابي سي مون ميور امي الحمد لله سون اي بيان سورتي تشوف واش اللي تميزر ال 10 سنين هادو اقسم بالله قلبك يبكي بالدم. Comment il s'est fait humilier, qu'il fait karaza ou hakda ou t'la ou fhallou rajin, tu vois. دار خدمه وكلش وجابها كما يقولوها بيديه بالعرق تاعو. هادو غادي الصالوبا غادو لقاوها ايزون في بوكو دو مال ويجيو يتمسخروا بينا حنا. ايزون في بوكو دو مال ايزون في بوكو دو مال يجوزوا بينا الوقت بيان سير سي سمو ميم با لي كالكولي الناس هادو ميم با لي كالكولي انا بوتفليقه وسلال وهذاك مات وعلي كافي جو سي با كي زاي تو سو باسكو نوز اون ريان دوني اون فان اي نوز اون ايزون دوني اوكان ريزولتا بور لالجيري نوز اون دوني ريان نوز اون واش لي ورثنا منهم الناس هادو واش لي ورثنا منهم 200 مليار دو دولار اي سون ميم با دون نو بانك. Ok, de toute façon c'est clair. Enfin bref, voilà. Ouais. Quand, c'est vrai que quand on y va sur le sujet de l'Algérie, c'est clair qu'on a à dire, hein, c'est clair. Ah oui, c'est... De toute façon, ton message il est passé à Texaha. Si je peux me permettre Samir, juste rapidement Berg. J'allais dire quelque chose en conclusion. Il ne faut pas trop donner d'importance à ces gens-là. Il ne faut pas leur donner trop d'estime. Il ne faut pas leur... parce qu'il faut leur faire sentir leur vraie valeur. C'est des ringards. C'est des ringards. Tu es un ringard. Tu es un clochard. Les clochards, ils ont connu des choses difficiles dans leur vie. C'est des clochards cerveau. Il ne faut pas leur donner d'importance. J'ai une France 24 qui est à bout de fléca et tout ça. باش يكون هذا بوت فليق انا باش نحكي عليه علي المهم فوالا سامر شتو صالي لو ميساج اي تري كلير اي لي باسي ميرسي ميرسي بور لابيل اتك صحه دو توت فاسون اون ريكومونس لا جيسبير ا شاك اوكازيون كسي بوسيبل اي تو ان شاء الله ان توكا تا راديو سي اون بون كورونس اون بيرميت دو نو ديفولي تي ان كوم سيكولوج توا سامر اه سي جونتي دو لو دير كوم سا C'est bien écouter les gens. C'est gentil de le dire comme ça. C'est le principe de l'émission. Les gens, ils appellent, ils donnent leur avis, leur point de vue, leurs sentiments. Et puis tout le monde, marhaba bien. Donc voilà. Je t'en prie. Merci Samir. À très bientôt alors. Continuation. Bon courage. Ça. Merci beaucoup à Texaha. Merci beaucoup l'ami Mouloud. Tu as partagé avec nous tes points de vue sur nos sujets qu'on avait introduits. Mais elle n'a 15 daqiqa ikhwani akhawati nhiyi kaa nas li ra yitsma radio Hchicha torahibou bikoum abra Skype pour participer à l'émission, même s'il reste que un quart d'heure en fait. Et je ne sais pas ce que a fait ce soir Dortmund contre le Bayern. Je sais qu'il y a la plupart des gens ils regardent le foot. C'est la première, c'est la chose la plus importante au monde. Et du coup, moi je salue les gars, les Aito qui ont appelé et qui ont participé sur les sujets Hadou qui, à mon avis, sont très importants quand même. Et puis moi j'ai proposé des sujets. Et je vous dis à chaque fois, les gens ils peuvent proposer eux-mêmes des sujets. L'essentiel c'est qu'ils soient un peu dans l'actualité et tout. On peut pas partir juste comme ça. Il faut rester un peu sur les choses qui peuvent nous intéresser. Sinon, j'introduis des l'Arfodil. Allo, allo, salam alaikum. Oui, salam alaikum Samir, comment tu vas? Marhaba bek, khoya Fodil. Ah, ça fait plaisir, wallahi l'adim. Ça fait plaisir de t'entendre. Ah oui. Ça moi, fait plaisir de... C'est ton appel qui fait plaisir. Non, moi j'ai tout entendu, ouais, je regardais comme ça de temps en temps le match, et puis je savais que j'allais t'appeler tout à l'heure pour te dire que c'est à cause du match, mais tu l'avais deviné. Absolument, absolument, je m'attendais à ce que c'est quand même la finale et tout, je sais que la plupart des gens, ah, c'est important de voir comment ça se passe, et d'ailleurs c'est quoi le score là, le match est fini ou le mazel? 2-1, pour le Bayern. Pour le Bayern, d'accord. Ouais, okay. Ils ont fini, je crois qu'ils vont remettre la coupe et nous on va avoir notre coupe. Nous on a déjà eu la coupe. C'est malheureux mais c'est comme ça. Qu'est-ce nous, que tu veux? Nous on a déjà eu notre dose, mon frère. J'entends les sujets que tu proposes, ils sont d'actualité, de très, ils sont très très brûlants. Et ça mérite franchement qu'on s'y penche. Et bon, D'abord, bonjour à tout le monde et bonsoir à tout le monde. Ou sahaftar comme les Saïmen, ou les Fdzaïr, ou les Mazelouf le match, etc. Et à tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas aussi voulu nous écouter aujourd'hui. Mm. Ils ont préféré les matchs, mais c'est pas grave, ils vont venir. Ouais, ouais, ouais. Mais la semaine prochaine, la semaine après et tout. Ah, c'est pas perdu. Ça. Et ce qui est étonnant, c'est que partout, bah là et en Algérie, pratiquement tout le monde est dehors et avec les cafés, surtout s'il fait beau, etc. Mmh, mmh. C'est normal. Une petite pensée tout de même pour nos amis jeunes ou pas moi ou moins jeunes. Hein, mmh, pour moi, c'est pas des chômeurs, ce sont des demandeurs de leurs droits. Mmh, tout à fait. Qu'ils soient. On n'a pas encore l'information complète concernant l'agression des militants qui étaient avec Blabès. Aïn Baïda, c'est ça. Hein? Voilà. Mm. Donc apparemment il y a des agressions. Blabès c'est pareil, avec des intimidations depuis longtemps. Mm. Bon, c'est petit, c'est mesquin, c'est j'ai pas de qualificatif à mettre par rapport à ce qui se passe. Mm. C'est à 2 heures de l'Europe. Mm. Donc ici ils nous et, enfin de l'autre côté ils n'ont pas cessé de nous bassiner par la démocratie entre guillemets de ce qu'ils disent là-bas. Mm. Et le libre droit de manifester. Même si c'est Alger, c'est complètement fermé. Apparemment, partout, ils ne peuvent plus me manifester. Finalement, c'est ce qu'on comprend exactement. Ben oui. C'est dommage. De toute façon, il faut toujours comprendre le contexte du message qu'ils veulent nous faire passer. Mm. Et là, je pense, j'ai rigolé, comme beaucoup, hein, sur l'affaire des Tibérines. Qu'ils ont montré, donc je saute du coq à l'âne. On est quand même dans les sujets, c'est bon. Voilà. Donc, j'ai rigolé, mais j'ai l'impression qu'ils savent qu'ils ne sont pas convaincants. Mmh. Eux-mêmes ne sont pas convaincus, donc ils ne peuvent pas nous convaincre. Mmh. L'heure à laquelle ils l'ont passé, c'était une heure quand même tardive. Mmh. Donc c'est voulu. Tout ce que je sais, c'est qu'à mon avis, Marianne a dû prendre le paquet. Mm. À mon avis, il a dû prendre la valise même pour passer ça. Mm. Et de l'autre côté, je ne sais pas pourquoi ils font tout ce film, ces réalisations, je ne sais pas, ils payent tout le monde, les journaux. Mais s'ils n'ont rien à se reprocher, mais il faut qu'ils laissent tout simplement la justice, qu'ils répondent à la justice, c'est tout. Absolument. Hein? Ils vont se réhabiliter complètement, ils vont sortir blanc comme neige s'ils disent qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Mmh. Mais moi, si quelqu'un n'a rien à se reprocher, puis je vois, moi j'aimerais bien que quelqu'un me fouille s'il m'accuse de vol avec témoin, bien sûr. Mmh. Et ils sont complètement réhabilités. Mmh. Mmh. Et je ne sais pas ce que tu penses, mais moi, franchement, j'ai vu les intervenants, j'ai vu. Bon, je ne sais pas comment ils ont pu leur vendre ce documentaire. Je sais pas comment on peut l'acheter. Mm. Tu as dû le voir, je ne sais pas. J'ai vu, ouais. J'ai été voir au moment où ça passait, ouais. Même, comme le disent beaucoup d'observateurs, a priori, il n'y a rien de nouveau dans ce documentaire, si ce n'est la version officielle qui a été donnée et le régime essaye d'imposer depuis une vingtaine d'années, sans par ailleurs, comme tu viens de le signaler, laisser faire la justice tout simplement pour démonter tous les arguments des uns et des autres. Jusqu'à maintenant, voilà. Et en fait, et il faut le signaler, et je pense que le disait le monsieur qui est passé avant, y compris du côté français, où on sent qu'il y a une sorte de complicité, en fait. On a vu, par exemple, comment cette affaire a été traitée pendant des années par le juge français, là j'ai oublié son nom, Bruguière, il me semble, qui a complètement négligé une partie du dossier, qui a géré ça sous le sceau ou sous le poids de la raison d'État. Et quand on dit raison d'État, ça veut dire que la justice ne se fera pas et donc la vérité ne verra pas le jour. Et ça, c'est pas bon, tu vois. Donc, il y a complicité de part et d'autre, et voilà. Chacun, il tire les conclusions qu'il veut. Non, c'est ce qui est pire, pour revenir un peu au régime ou au documentaire. Donc, ce qu'il y a de nouveau, c'est alors que tout est en justice, là, c'est en cours, c'est pas fini. Ils essayent de faire sans faire. Et du même coup, donc, se montrer complètement là, ils sont complètement démasqués. Il y a tellement de contradictions incroyables. Le juge Bruguière, comme tu viens de le dire, non seulement il a caché, mais il n'a pas mené une véritable enquête. De toute façon, ses amis, ce sont les généraux, c'est pas un scoop. Et dans son bureau, quand ce Trivedi qu'il avait remplacé, et ça, de toute façon, c'est, y compris ici en France, ces informations, personne ne le donnait à l'époque. Hein. Donc on les savait, bon, il y avait Mediapart qui en parlait un peu. Et puis, il y a, un autre anglais aussi, Keenan, qui parlait aussi. Mais il y a, Salim Amellah qui a fait un dossier, qui a travaillé là-dessus, et c'est pareil. Moi, je défie quiconque me dire le contraire. Mais par rapport à hier, il n'y a eu que des contradictions. Le juge Bruguière, il a caché, il a laissé dans son coffre-fort, quand il a été remplacé par Trivedi, quand Trivedi est arrivé, il a trouvé un coffre-fort. Tout à fait. Tu le sais, et il ne l'a pas ouvert, il a appelé les huissiers, etc., pour l'ouvrir, et là on a trouvé des vidéos, des lettres, etc., de Zitouni, du DRS. Il y a une autre personne qui, jusqu'à maintenant, on n'en parle pas, on en a parlé, mais c'est elle qui est relatée, il faut vraiment la lire elle-même, une certaine Chevillard, Corinne ou Nicole, Nicole, je crois, Chevillard, qui est au courant du sujet. Et puis, je reviens sur ce qui s'est passé. À la rigueur, on peut ressortir pas mal de choses. Il y a les otages qui n'étaient pas des otages. Il y a le Schmidli contre Pasqua et Pondreau et les généraux de l'autre côté. Ça, il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des patates. On le sait, ça. Et surtout avec Internet, il est là pour leur rappeler ça. Absolument, absolument. Je pense que, je sais pas si tu as vu cette chose-là passer, par exemple, dans les rédactions, visiblement, on est écrit à gauche, à droite, dans les rédactions ici en France, en fait, on peut faire passer, j'imagine, un film comme ça, on peut faire passer un reportage dans un journal et tout. Je pense, à mon avis, il s'agit juste de mettre le prix. Par contre, on ne peut pas convaincre les gens. Les gens, tu peux les acheter, mais tu les as pas convaincus. Exactement. Et du coup, dans les rédactions, tout le monde se méfie, par exemple, de ce type de reportage et tout, parce que voilà, tout de suite, on voit ses limites, en fait. Voilà, et les gens. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de convaincant, et les questions restent posées, et la seule réponse qu'on a, c'est ne posez pas vos questions. C'est ça qu'on a comme réponse. Voilà. Et du coup, voilà. Il faut nous croire. Comme le dit aussi bien Zarouki du soir d'Algérie, il faut nous croire, ils nous prennent pour des ploucs. Mais ça fait depuis longtemps qu'on connaît que tout le monde connaît le dossier, qu'il le suit, chacun a ses des épisodes. Premièrement, et surtout, ils pensent qu'on peut le faire aussi à d'autres, à ceux qui ont payé, qui sont allés au Seychelles, les époux Touvenot. Ils ont parlé par la suite. Les Allemands, les otages du Sahara, c'est pareil. Ils ont parlé. Ils ont tout dit. Personne ne les croit. Le régime algérien, personne. Eux-mêmes, ils ne se croient pas. Comment tu veux qu'ils puissent essayer de se faire croire par autrui? C'est incroyable. Tout à fait. C'est pas possible. Et en plus, là, c'est des moines. C'est des étrangers. C'est pas des idiots. Il y a des gens derrière. Ils savent qu'est-ce qui se passe. Donc, ils ne peuvent pas lâcher. Et c'est vrai que le début de tout, c'est Tibérine. Dès qu'on commence à mettre le dossier de Tibérine, c'est une chaîne. ça, avec le détournement d'avions, avec les otages tout venant, avec l'assassinat des gendarmes, tout ça se tient et se lie. Si on commence avec une affaire, on ne peut pas ne pas attaquer toutes les autres affaires. Et ici, ils font tout pour se cacher, mais les masques sont tombés. Moi, j'attends, je fais un appel à tous ceux qui résident à l'étranger, parce que pour moi, je ne comprends pas. Ils résident à l'étranger, entre guillemets, il y a une certaine liberté d'expression, qu'on le veuille ou pas. Quel que soit, si les Algériens de l'extérieur mettent la pression sur les médias, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, si on ne bouge pas pour son pays, je ne sais pas pourquoi on bouge. Je suis certain que quand on ne bouge pas pour le pays, je ne bouge pas pour ma famille, je ne bouge pour rien, pour moi seulement. Et avec des limites. C'est-à-dire que si j'accepte d'être frappé, piétiné, etc., et je mange et j'attends la mort, là oui. Donc, moi, je ne peux pas. On ne peut pas rester les bras croisés, surtout ceux qui sont à l'extérieur, et dire voilà, on va attendre qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais partout ils bougent, partout, les Afghans, les Turcs, les comment on s'appelle ceux qui sont avec les Turcs là, les Kurdes. Ah, les Kurdes, Allah el-Adim, je les ai vus, je les ai vus et j'ai fait une vidéo, je les ai vus marcher. Il faut voir, on dirait qu'ils ont un point, un seul point, les yeux devant, la marche déterminée, rac, rac, rac, rac, mieux que l'armée. Allah, mieux que l'armée. Tout le monde était en train de regarder. On a affaire dans ça, hein, Mazel. Mais bien sûr, c'est ça. C'est vrai qu'on n'a pas... On n'a pas, entre guillemets, une lutte, une culture de lutte. Ce régime nous a cassé depuis, ça fait plus de 50 ans. Donc on n'y croit pas, on n'a pas de revendication. Maintenant on voit, on marche puis on revient. Alors que normalement, on marche pacifiquement, mais je ne reviens pas. Je ne reviens qu'avec mes droits. Si tout le monde est comme ça, si tout le monde est conscient, mais il n'y a que quelques... Rien ne se donne. Tout s'arrache. La liberté, elle s'arrache. Premièrement, deuxièmement, pour moi, il ne tient qu'à nous de bouger et de ne pas, je parle de la diaspora qui est à l'extérieur, et de ne pas rester demeuré comme ça en permanence avec s'il y a un rayon de soleil qui vient du sud ou d'Algérie. C'est aussi ici qu'il faut mettre la pression, au moins être cette porte-voix et aller déranger les médias. Moi, je suis pour ceux qui sont en Île-de-France, ceux qui sont d'accord, on peut y aller, occuper, je dis bien occuper, pacifiquement, mais occuper. Il y a les radios, il y a la chaîne 3, elle vit avec notre argent. Si nous, on ne paye pas, elle ne peut pas faire produire tout ce qu'elle produit. Comment elle va me produire? Comment j'accepterai maintenant qu'elle produit des mensonges et me le donne et je le paye? Moi, je suis pour qu'on occupe les médias, les radios. Mais on ne leur demande rien du tout. Quand je dis j'occupe, pacifiquement. Demandez tout simplement de nous informer, pas de manipuler, de nous informer. Mais bon, voilà. C'est un appel à Roya. C'est vrai qu'il faut le rappeler. Et il n'y a finalement que ça à faire, en fait, ce que tu es en train de dire. Et tant qu'on n'a pas bougé, faut pas s'étonner à ce que on souffre. Voilà. Et le troisième sujet, c'est, tu m'as dit, c'est Bouteflika qui est malade. Exact. Il est malade. Qui sait ça? On ne sait pas, on ne sait rien. Officiellement, il est malade. Voilà, officiellement, il est malade, officiellement, il est en France, il est aux Invalides, officiellement, je ne sais pas, officiellement, mais je ne sais pas, moi, comment... Qui l'a vu? Qui l'a vu? En plus, l'autre nous demande de le croire, mais c'est pas comme ça. C'est un être humain, mais c'est pas un citoyen, c'est quelqu'un qui a des responsabilités quand même. Ça, c'est là où il a juré. احلف ياك سور لو كوران de dire la vérité. Donc la vérité, elle est où? Il dit tout simplement, voilà, il est malade. Il ne peut pas signer le décret comme il le dit, l'autre. Il n'y a pas de décret. Pourquoi il signe le décret? Comment vous savez, il peut signer le décret? Il envoie le salut au scout algérien. Il travaille quand même. Il n'est pas malade alors. Bon. C'est tant qu'on a ces gens-là, on ne peut pas s'étonner de voir un désastre qui risque d'arriver. Voilà, c'est si on ne et si on ne bouge pas, on doit assumer, on doit rester, on ne dit pas à après. Donc on n'aura que les yeux pour pleurer. Et là, c'est bon, ça sera trop tard. En tout cas, j'espère ne pas arriver là. Ouais. J'espère que, ouais. que bon, je vois de plus en plus qu'il y a des éveils et des gens qui bougent. J'espère que ça va dans le bon sens. À mon avis, non, ça ne peut aller que dans le bon sens. C'est contrairement à ce que nous affirme le grand philosophe Legge, quand on a touché le fond, on ne creuse pas, on remonte. Pour rigoler un peu. Je c'est vrai, mais le jour où on commence à remonter, oui. Bon, j'espère. On ne peut que remonter. On ne peut que remonter. Oui, tout à fait. On ne peut pas ne pas être optimiste. C'est vrai. Mais c'est les mois qui viennent là. Ce sont des mois franchement à vivre sur tous les plans, parce que on sait maintenant. Tout le monde sait que personne. C'est pas de là-bas que ça se décide. On le sait. Donc nous voilà prévenus. Voilà Samir, donc moi je encore une fois, c'est si on veut quoi que ce soit, il faut y aller, il faut pas attendre, il faut se mobiliser et tous pour la même chose, pour le même, dans le même but. C'est clair, ton message est très clair. Si tu veux, si tu as autre chose à dire, ou là, si tu as une conclusion, un truc comme ça, marhaba bik, et puis voilà. Je, comme tout le monde, je suis de plus près l'actualité, et j'aurais aimé aussi, donc moi j'essaie d'intervenir le plus tard possible. J'aurais aimé entendre toujours les gens d'Alger, et même d'ici d'ailleurs, mais j'aurais aimé entendre ceux qui sont sur le terrain, et nous disent exactement ce qui se passe. Sinon, je leur dis bon courage et rana ma'ahem dans tous les domaines. Et ceux qui sont ici, qu'on se réveille, même si on s'aime pas, même si on n'est pas d'accord. Mais concernant ça, c'est un point commun, donc il faut bouger pour ça. Et même le lendemain, on se fâche. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Samir, encore une fois, barakallahu fik, merci beaucoup. Merci pour à toi. Tous les efforts que tu fournis. Merci à toi. Et à tous les blogueurs, tous ceux qui nous écoutent. Très bien. Et à bientôt, à samedi. À samedi, inshallah. Merci beaucoup pour la perfodite. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bon courage. Merci, Khoya Fodil, pour l'appel à Texaha. Tu as très bien résumé, je pense, la situation. Du moins, je partage complètement, moi, ce que dit notre ami Fodil. Je partage aussi sa démarche, en fait, parce que je l'ai vu un peu... À l'action, on va dire, même, il vient quand il y a des rassemblements et tout, et puis il est partant, il est très volontaire. Il y a un respect. Et puis il faut suivre les conseils qu'il est en train de dire, entre guillemets, conseils. Les souhaits, je les partage complètement. Tout le monde doit se bouger, il faut se mobiliser, toujours pacifiquement, mais il faut se mobiliser, il faut laisser de côté les différences. Bien sûr, ça, c'est toujours compliqué, mais laisser de côté les différences et tout pour concevoir des solutions, les tenfaganes, etc. C'est tout un travail à faire. Sinon, Ikhwani Akhawati, on arrive à la fin de l'émission, en fait. Comme vous le savez, à 22h, finit l'émission. 22h, heure d'Alger, 23h à Paris. Là, il est 23h05, Andy, sur Planète Hachicha. J'espère que ce qu'on a discuté depuis tout à l'heure, j'espère que ça dit fato, là, c'est ça vous a donné des idées. ça vous a intéressé, ça se passe comme ça à Gotelkom, donc tous les samedis soirs de 20h à 22h, l'antenne est ouverte, vous pouvez appeler pour participer, à chaque fois il y a des sujets, et quand il n'y a pas d'appel, on passe de la musique. Je remercie les gens qui sont intervenus, notamment nos amis qui sont Filbled, qui nous ont appelés, l'Akh Halim par exemple, qui nous appelle de Chlef. C'est bien, il faut faire intervenir Kimakal Fodil, il faut faire intervenir les gens du bled, c'est le plus important, gars, yani. Primauté de l'intérieur sur l'extérieur, c'est une règle, yani. Elle est vitale pour nous tous. Donc, n'hiyou gannes les raoum f'dakhl, ou nes ta la diaspora f'l'kharij. Rendez-vous la prochaine fois, inshallah, samedi prochain à 20h. حشيشة يحييكم عبر قناة راديو حشيشة radiohashisha.com. à très bientôt inshallah. Salam alaikum. السلام عليكم مرحبا السلام عليكم السلام الديوان داوي داوينا يا مول الديوان Vous êtes sur radiochicha.com.